Clermont-Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Toutes les villes de France possèdent leur rue, leur avenue ou leur place Gambetta. Ce grand fondateur de la République est au cœur de l'histoire cet après-midi. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons parlé il y a longtemps de la mort étrange de Léon Gambetta. Et forcément, nous allons y revenir un petit peu cet après-midi. Mais c'est un autre Gambetta, le tribun, le politique, que j'aimerais évoquer cette fois avec un grand habitué de l'émission. En quelque sorte, la mémoire de notre République, Bruno Fulini. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. C'est à l'occasion d'un procès retentissant, le procès Baudin. Nous sommes en 1868 que le jeune Léon Gambetta, cet homme à la forte personnalité, va se faire connaître des Français. Cette année-là, il prononce en effet un discours, une plaidoirie flamboyante, aussi passionnée qu'audacieuse, pour défendre Charles de l'Écluse, un journaliste républicain opposant au Second Empire, inculpé pour avoir voulu honorer la mémoire d'un député tué sur une barricade le 2 décembre 1851, au moment du coup d'État, vous savez. Léon Gambetta, à l'époque, est encore un inconnu, ou en tout cas, il est peu connu en dehors de son milieu. Le jeune avocat a une drôle d'allure, un accident dans l'enfance l'a rendu borgne, il est relativement trapu, presque dodu, sa voix n'est pas très raffinée, il semblerait presque, comme ça au premier abord et avant qu'on l'écoute vraiment, il semblerait presque grossier. Et pourtant, dès qu'il se met à parler, il a le don de susciter autour de lui l'adhésion. Se dégage de ses propos une intelligence si particulière, douée d'une autorité, d'une aura hors du commun. Sa plaidoirie va se faire en l'occurrence réquisitoire, d'où mon hésitation tout à l'heure, réquisitoire contre le Second Empire, bien entendu. Gambetta séduit, il hypnotise, disons-le, il rayonne. La réputation du jeune homme va gagner la France entière. On parle beaucoup de cette plaidoirie et cette année-là, on peut dire qu'il entre dans l'histoire selon ses propres termes. Il vient de pénétrer par effraction sur la scène du monde. Nous allons retrouver le brillant tribun enflammé. 2 ans plus tard, nous sommes le 1er septembre 1870, en pleine guerre contre la Prusse. Vous savez que cette guerre a été déclenchée dans des conditions complètement aberrantes. 1 mois et demi plus tôt, l'Empire subit une terrible humiliation. Et on peut dire qu'en quelques semaines seulement, l'armée de Napoléon III a été littéralement écrasée par les troupes du roi de Prusse. Et de Bismarck, pourrait-on ajouter, c'est la débâcle. Le 2 septembre, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. On annonce la défaite et ça va gagner bien entendu tout le territoire. Dans l'agitation générale, les députés du corps législatif se réunissent au Palais Bourbon. Là, on est dans la nuit du 3 au 4 septembre 1870. Et parmi les gens qui sont là dans l'hémicycle, aux côtés de Jules Favre, Léon Gambetta. Le superbe orateur, il a 32 ans, tente de contenir la foule qui a envahi l'Assemblée, qui crie à la déchéance de l'empereur, à l'instauration de la République. Et on entend Gambetta, il se lève et voilà ce qu'il dit. C'est comme représentant de la Révolution française, ça ne s'invente pas ça, de quel droit. C'est comme représentant de la Révolution française que je vous adjure d'assister au retour des députés sur leur banc. Ça ne marche pas tellement, hein, il faut bien vous le dire, c'est complètement l'anarchie. Gambetta et un certain nombre de députés vont essayer de canaliser la foule, de la conduire vers l'hôtel de ville, cette foule surexcitée, et c'est là que va être proclamée la République. On en reparlera tout à l'heure dans des conditions pour le moins discutables. En tout cas, c'est le tout début de ce qui va devenir plus tard la Troisième République. Un gouvernement de défense nationale, gouvernement provisoire, est constitué, dont on va nommer les membres, bien entendu. Le général Trochu devient gouverneur de Paris. Quant à Gambetta, eh bien le voilà d'autorité, placé à la tête du ministère de l'Intérieur. Toute cette euphorie a l'air un petit peu irréel. On est en situation d'extrême urgence. Hein. C'est l'effondrement militaire en même temps. On croit naïvement que la déchéance de Napoléon III pourrait adoucir les Prussiens. Vous pensez bien qu'il n'en est rien. On serait même tenté de dire au contraire. De jour en jour, les armées de Bismarck gagnent du terrain. Elles approchent de Paris, désormais gravement menacées. Et le 19 septembre 70, la capitale est entièrement encerclée par les troupes prussiennes. C'est ce qu'on appelle le siège de Paris. Le général Trochu organise la défense comme il peut, avec les moyens du bord. On évacue les villages de banlieue. On envoie plusieurs centaines de milliers de soldats au contact de l'ennemi. Paris assiégé. Vous imaginez les Parisiens isolés littéralement du reste du pays. Rapidement va se poser la question du ravitaillement. Il va falloir nourrir la population. Et vous savez qu'un jour, on en viendra à manger les chiens, les chats et les rats. Ah, on connaît cette histoire, bien sûr. Autre problème, celui de la communication avec l'extérieur. Comment coordonner notamment les troupes que le gouvernement de défense nationale a bien l'intention de continuer de diriger? Bien sûr, il existe quelques solutions pour transmettre des informations. Vous avez les pigeons voyageurs, notamment. Il y a les boules, on en parlera tout à l'heure. Ça ne suffit pas. Alors que faire? Le gouvernement de défense nationale se demande s'il ne devrait pas quitter Paris et se rendre en province pour mieux organiser la lutte. Gambetta fait partie de ceux qui sont favorables à cette solution. On décide ainsi d'envoyer une petite délégation gouvernementale à Tours pour relayer en province l'action du gouvernement. Ça ne marche pas, évidemment. Il n'y a pas assez d'autorité, il n'y a pas assez de relais dans tout ça. Il faudrait une personnalité forte, énergique, une personnalité radicale et intransigeante qui puisse appuyer les décisions. Évidemment, à qui est-ce qu'on pense? Eh bien, à notre avocat. Léon Gambetta. Léon Gambetta, lui seul, a l'air d'être capable à la hauteur de la situation. Alors, quand même, quand on le lui propose, il n'est pas très enclin à aller plus loin. Il se demande si cette aventure est bien pour lui, parce que, disons-le, c'est une véritable aventure. Pour franchir le siège, pour traverser l'encerclement ennemi, la seule solution, c'est de faire le voyage en ballon. À une époque où l'aviation, évidemment, n'est pas encore née, c'est le seul moyen possible, mais c'est un moyen très risqué. Vous imaginez s'envoler de Paris et aller passer au-dessus des lignes ennemies avec un ballon gigantesque, cible, gonflé à l'air chaud. Même si le ballon n'est pas de couleur très vive, vous avouerez qu'on n'a pas très envie d'être dans la nacelle. Alors, Gambetta se tâte, si j'ose dire, il finit par accepter. Alors, il a été convenu que le ministre de l'Intérieur, devrais-je dire, partira au péril de sa vie, vous l'aurez compris, le 7 octobre au matin, à 11h précises, dans un ballon, en compagnie d'Eugène Spuller. Les espoirs de toute la population parisienne et, d'une manière plus générale, de tous ceux qui croient dans ce nouveau gouvernement de défense nationale, les espoirs de toute une partie du peuple sont placés dans Gambetta. Et l'on pourrait dire, d'une certaine manière, c'est en tout cas sans doute la façon dont lui envisage les choses, que le destin de la France est sur ses épaules. Un extrait de la bande originale du film Le Voyage en ballon, les aventures d'un grand-père et de son petit-fils en ballon au-dessus de la France. Eh bien nous, ce n'est pas d'un grand-père qu'il s'agit, mais c'est Léon Gambetta qui se trouve au-dessus de la France dans ce ballon. Et la suite de l'histoire, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors nous sommes cet après-midi au cœur de la guerre franco-prussienne de 1870. Paris est assiégé. Un homme s'élance au secours de la France. Cet homme, c'est Léon Gambetta. Il est chargé de quitter Paris en ballon pour organiser la défense nationale. Alors juste avant de parler de Léon Gambetta, juste avant de continuer sur le destin de cet homme, oui. Je me demandais quand même, Franck, le ballon, c'est un moyen courant à cette époque de se déplacer? Courant, non, pas du tout, disons les choses. Vous savez que la montgolfière est un moyen à la mode, c'est différent. C'est-à-dire que vous avez énormément d'amateurs, des géographes, des photographes. Hein. C'est le début de la photographie aérienne. Du ciel. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui utilisent couramment le ballon. Mais un moyen courant de se déplacer, non, sûrement pas. La toute première expérience de ballon air chaud, bah, je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'était en 1783. Hein, les frères montgolfiers, bien entendu. D'ailleurs, depuis, on a quand même un peu perfectionné la chose. Mais ça reste quand même des ballons avec nacelle, hein, qu'on appelle les ballons montés. Qu'on utilise pendant la guerre pour transporter courrier civil et militaire, pigeons voyageurs, n'oubliez pas, parce qu'on emporte toujours des pigeons avec soi, et puis des passagers, bien sûr. Les ballons montés ont un défaut, ils ne sont pas maniables. Réalisé par Félix Tourmachon, nous dit Nadar, et sa toute jeune compagnie générale aérostatique, ils sont en réalité soumis au bon vouloir du vent. Un pilote ne peut que maîtriser l'altitude de l'appareil, jamais sa direction. Que le vent souffle d'ouest en est et le ballon survolera les zones occupées par les Prussiens, risquant ainsi une capture de l'ennemi. Qu'il souffle en sens contraire et il sera sauvé si toutefois son atterrissage est réussi. Le vol dans ces aérostats s'apparente finalement à une véritable loterie et il faut un mental audacieux, voire irréfléchi, pour accepter une pareille mission. On n'est plus dans les ballons qu'il faut chauffer à air chaud, là. Ce sont des ballons à gaz, en l'occurrence. Enfin, c'est aussi peu maniable que les autres, hein. À peine plus maniable, disons, pour être plus juste. Alors, quelques jours plus tôt, il y a quand même eu deux tentatives de départ en ballon, et les deux tentatives, ce sont l'une et l'autre soldées par des échecs. Un ballon parti le 30 septembre a été abattu par les Prussiens, il a atterri au milieu des lignes ennemies, et un deuxième ne parvient même pas à développer, puisque l'enveloppe, qui est certainement trop vieille, n'a pas pu se gonfler correctement. Bref, le 7 octobre, donc, c'est au tour de Gambetta. C'est bien quand vous avez deux essais avant c'est vous. C'est motivant. On ne dit jamais 203. C'est motivant, voilà. Une foule s'est rassemblée en cercle autour de l'Armand Barbès, c'est le nom du bateau qui va transporter Gambetta et Spuller. Parmi les Parisiens qui sont venus assister au départ, Victor Hugo. Paris cerné, Paris bloqué, Paris supprimé du reste du monde, et pourtant à l'aide de ce ballon, de cette bulle d'air correspondante avec le reste du monde, écrira-t-il. Sur un fond dans lequel on aperçoit le sommet de la butte Montmartre, se détache l'épaisse silhouette de Léon. À quelques mètres de la nacelle, il reçoit les dernières instructions. On lui explique notamment comment nourrir les pigeons. Ben oui, parce que si le vol est assez long, ça fait partie des choses à faire en vol. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé, la rapidité de tout ça. Vous imaginez Victor Hugo qui était depuis si longtemps en exil et puis qui est revenu là, via Bruxelles, qui est revenu juste après l'annonce de l'effondrement de l'Empire, de son ennemi de toujours. Tout ça est dans une précipitation, un climat d'excitation incroyable. Autour de Gambetta et du ballon, si je puis dire, s'agitent les hommes qui règlent les derniers détails. Le directeur des postes, Monsieur Rampon, qui vérifie sa montre et qui interroge le vent en tentant de masquer le mieux possible son inquiétude. On discute à voix basse, on fixe bien la nacelle. Il faut imaginer Gambetta anxieux, sans doute excité aussi. Il s'enveloppe de chaudes fourrures, il s'en mouille-touffle pour se protéger du froid. Et puis, on va le voir monter avec Eugène Spuller dans cette nacelle. Les deux hommes saluent la foule, ils sont émus. Voilà ce que nous raconte Francis Sarcey dans Le Siège de Paris. « Jamais ceux qui ont assisté à ce spectacle ne l'oublieront de leur vie. Au milieu d'une vaste cour, le ballon à demi gonflé se démène furieusement sous l'effort de la rafale. Il est en taffetas jaune et les lanternes à réflecteurs des locomotives jettent sur la route des lueurs fantastiques. On entend le sacramentel « Lâchez tout !» Le ballon s'élance d'un bond Il penche sous l'effort du vent qui le courbe avec violence. C'est une seconde d'émotion inexprimable. Nous sommes tous là, retenant notre souffle, les yeux fixés sur cette masse noire qui s'abat dans une convulsion effroyable. Là, on est bien dans le style vigoureux et post-romantique de l'époque. Le ballon s'élève donc au-dessus de la ville. À mesure qu'il prend de la hauteur, les visages de Gambetta et Spulla deviennent de moins en moins discernables pour cette foule qui est restée là au sol et qui a les yeux rivés au ciel. Gambetta griffonne quelques mots au dos d'une carte de chemin de fer déchirée. Il la lance au vent. Ceux qui trouveront l'inscription pourront déchiffrer « Gambetta, ministre de l'Intérieur, est passé ce jour, 7 octobre 1870. » Alors, on est maintenant près de 800 mètres de hauteur. Et voilà les deux hommes qui passent au-dessus des lignes prussiennes. Et soudain, nous raconte Adolphe Michel, soudain, le vent s'arrête quasiment de souffler. Alors que fait le ballon ? Eh bien, il commence à redescendre vers le sol. Là, il faut vite, vite jeter du lest pour s'élever à nouveau et essayer de franchir, de dépasser les lignes prussiennes. C'est pas là qu'il fallait descendre, en effet. Oh là là, vous imaginez ça ? Si l'on en croit Adolphe Michel, des coups de feu et même des coups de canon furent tirés sur eux et ils purent entendre distinctement le sifflement des projectiles. Les Prussiens lancèrent même des fusées, espérant ainsi pouvoir mettre le feu au ballon. Une balle vint effleurer la chevelure de Monsieur Gambetta. Enfin, la dernière descente se fit près de Montdidier, au milieu des arbres, où le ballon, fut déchiré par les branches. De l'autre côté du bois où ils étaient tombés, se trouvait justement un détachement de Prussiens. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors nous suivons cet après-midi sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, le voyage de Léon Gambetta dans ce ballon à gaz. Franck, alors que va-t-il se passer ? Parce que vous nous avez laissé juste avant la pause sur un suspense. Le ballon passe au-dessus des lignes prussiennes. Les Prussiens tirent sur ce ballon. Est-ce qu'ils vont arriver à bon port ? Eh bien oui, il faut le croire, puisque c'est dans une charrette que nous retrouvons Gambetta. C'est le soir du 7 octobre, la charrette est un peu brinque-ballante, mais elle emmène le ministre à la gare de campagne la plus proche. Et voilà ce qu'il écrit. « Montdidier, Somme, le 7 octobre, 8h du soir. Arrivé après accident en forêt à Épineuse, ballon dégonflé. Nous avons pu échapper aux tirailleurs prussiens et grâce au maire d'Épineuse, venir ici, d'où nous partons dans une heure pour Amiens, d'où une voie ferrée jusqu'au Mans et à Tours. Quel voyage. Pas de Prussiens dans la Somme. De toutes parts, on se lève en masse. » Ça, c'est très important. C'est l'information, évidemment, qui intéresse tout le monde. « Le gouvernement de la Défense nationale est partout acclamé. » Deuxième information essentielle. 1. Les Français n'ont pas définitivement baissé les bras. Et 2. Ils seraient favorables à ce nouveau gouvernement. Alors donc, par train, je vous passe un peu les détails, Gambetta gagne Tours, où il arrive le 9 octobre, et immédiatement, il s'approprie la fonction de ministre de la guerre, qui lui avait été dévolue, du reste. Il faut tout reprendre à zéro pour mettre en place une stratégie de défense, puisque rien, ou presque rien, n'a été organisé. Dans le domaine militaire, Gambetta n'a quasiment aucune expérience. Il faut s'organiser comme on peut dans ces cas-là. Il faut faire preuve de bon sens, sans doute. Il va nommer Charles de Fraissinet, donc ingénieur des mines, délégué du ministre auprès du département de la guerre. Et Fraissinet, disons-le, va jouer un rôle absolument essentiel dans la coordination des armées. Alors, il faut tout organiser, réquisitionner, vous imaginez, des chevaux, des fusils, des canons, des munitions, mobiliser des hommes, surtout, bien sûr, pour reconstituer des armées. Trois armées sont mises sur pied. Armée du Nord, armée de la Loire, armée de l'Est, mais ce sont des hommes souvent peu entraînés, beaucoup de soldats très jeunes et de généraux très vieux, si je puis dire. C'est pas moi qui le dis, c'est Georges Bourguin. Première étape, la reprise d'Orléans. Ça fait penser à d'autres périodes de l'histoire. Le 30 octobre, Gambetta apprend une terrible nouvelle. Quelques jours auparavant, le maréchal Bazaine, qui était avec toute son immense armée, vient de capituler à Metz. Vous imaginez ça ? Il a livré aux Prussiens des centaines de milliers de soldats. Ça, c'est même plus une nouvelle, c'est une catastrophe terrible. Et d'autant plus que commencent à se répandre des bruits selon lesquels le gouvernement voudrait un armistice, Alors que pour Gambetta, bien sûr, il n'est pas question d'armistice. Bref, il faut continuer à se battre. Il en est convaincu. Voici ce qu'il écrit à Fraissinet le 4 novembre. « Je constate avec vous, avec une égale inquiétude, la détestable influence des hésitations politiques du gouvernement, dont le résultat évident est d'énerver et de déconcerter nos efforts militaires, énervés au sens fort de l'époque, c'est-à-dire de débilité, si vous voulez, et déconcerter nos efforts militaires et le moral de nos généraux et de nos soldats. J'ignore si le gouvernement de l'hôtel de ville est enclin à traiter. Pour moi, je ne connais que mon mandat et mon devoir qui est la guerre à outrance. » Ça fait déjà penser à ce que, au programme de Clémenceau quelques décennies plus tard. C'est la guerre, ne perdez pas une minute, allez en avant, lui écrit-il. Il faut reprendre donc Orléans avant l'arrivée de l'armée prussienne. Le commandement de l'armée de la Loire est confié à Aurèle de Paladine, brillant militaire. Les Prussiens abandonnent donc Orléans, c'est un bon point déjà. Gambetta est là pour féliciter les troupes et désormais, il faut rejoindre Paris, dit-il. Paris nous attend, il y va de notre honneur de l'arracher aux étreintes des barbares qui le menacent du pillage et de l'incendie. Toujours la grande phraséologie des batailles. Plusieurs nouvelles petites victoires vont suivre, Champigny, Bry-sur-Marne, Chanzy, et Gambetta proclame le génie de la France. Un moment voilé réapparaît, qui donc douterait désormais de l'issue finale de cette lutte gigantesque. Ce sera l'éternel honneur de la République d'avoir rendu à la France le sentiment d'elle-même. Il est bien sûr de lui, Gambetta. Hélas, hélas, il faut compter avec la réalité. Et la réalité, tant militaire que politique, est assez éloignée, disons-le, des espoirs qu'il formait. Sur la fin de cette aventure et puis surtout nous allons essayer d'une façon plus générale d'envisager l'incroyable carrière, hélas interrompue trop vite, de Léon Gambetta. Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Léon Gambetta face à l'invasion prussienne et nous allons plus loin cet après-midi avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Bruno Fuligny, il est écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po. Alors Bruno Fuligny, comment tout ça va-t-il se passer ? Gambetta a été dans la fièvre des événements du 4 septembre emporté vers l'hôtel de ville. Enfin, c'est lui qui a emmené la foule à l'hôtel de ville, disons-le. On proclame ce gouvernement de défense nationale dont il est membre. Il finira début octobre par s'évader, si je puis dire, par échapper au siège de Paris grâce à ce ballon, à cet équipé fantastique qui va désormais marquer sa carrière et sa réputation. Il est le ministre de la guerre dans un gouvernement de défense nationale qui voudrait réorganiser la bataille contre les Prussiens. Ah, voilà que Bazaine capitule, ça tombe mal évidemment. Et puis surtout, le gouvernement va de plus en plus s'éloigner des idéaux de Gambetta et on finira par signer l'armistice. C'est Jules Favre qui va s'en occuper. Sûr, parce qu'en fait, cette guerre, elle est déjà perdue. Je pense que les Français seront reconnaissants à Gambetta par son courage physique d'avoir sauvé l'honneur. C'est ça. D'avoir incarné à un moment l'espoir d'une guerre à outrance, d'une guerre de résistance, presque de franc-tireur. Guerre populaire, quasiment, oui. Exactement. Qui renouait avec 1792. C'est l'idéal des soldats de l'an 2, ça, voilà. Qui est revivifié par un homme qui, quand même, un an plus tôt, opposant à l'Empire, réclamait la suppression des armées permanentes. Donc c'est pour vous dire la volatilité. Bonjour, la cohérence. Mais enfin, ça, vous êtes habitué, vous, à à relever un certain nombre d'incohérences dans les discours politiques. Il n'y a pas de cohérence, il y a des circonstances qui changent, et là en l'occurrence il y a eu un bouleversement tel que réclamer la suppression des armées en 1870 aurait relevé vraiment de la trahison pure et simple. Donc Gambetta, évidemment, dans un contexte complètement nouveau, va incarner cette forme de résistance avant la lettre, mais qui est vouée à l'échec. La fameuse armée de l'Est qui a été constituée dans de telles difficultés va se replier piteusement en Suisse après s'être désarmée à la frontière. Enfin, c'est un désastre. Et donc, assez vite, le pouvoir va passer à autre chose, avec l'idée effectivement de signer un armistice, de s'entendre. Et c'est cela qui va aussi amener assez vite la Commune, parce que les Parisiens sont très fiers d'avoir tenu pendant le siège de Paris. Et c'est finalement le gouvernement installé à Versailles qui va leur demander de laisser entrer les Prussiens. Et ça, oui, alors ça c'est le gouvernement d'Adolphe Thiers, hein, qui est remonté avec l'Assemblée nationale élue en février 71 et qui, elle, siégeait à Bordeaux. C'est une période de très grand bouleversement. Que devient Gambetta dans tout ce contexte, et notamment au moment de la Commune, des événements de la Commune, de cette insurrection de Paris? En fait, à un moment, Gambetta, qui est totalement épuisé, désorienté, se retire provisoirement de la vie politique, et il voyage même en Espagne. Sa position est intenable en France. Il sort du champ. Ah, du champ. Il sort du champ. Il faut dire que ces élections qui ont lieu en février 1871 déjouent tous ces pronostics, tous ces calculs, parce que les Français, à ce moment-là, veulent la paix. Et qui, dans son programme, propose la paix? Les monarchistes. Et donc, on a l'Empire qui est tombé, la République qui a été proclamée à Paris, mais lorsque l'on fait voter les Français, en 1871, on a une énorme majorité de monarchistes, alors avec des divisions entre ces monarchistes. Oui, cette assemblée qui a été élue pour ratifier l'armistice est une assemblée très conservatrice et très favorable à la monarchie, il faut dire. Hein. Très favorable à la monarchie, qui refuse d'entendre Garibaldi, Victor Hugo va en démissionner. Cette assemblée siège d'abord à Bordeaux et ensuite à Versailles, et pendant plusieurs années, on pense que cette assemblée va tout simplement rétablir la monarchie. Oui, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'entre la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, et la mise en place de lois constitutionnelles qui vont donner la Troisième République, il s'écoule environ 5 ans. Hein, puisque c'est seulement à la fin de l'année 1875 que la France est dotée d'institutions républicaines stables. Si j'osais, je dirais qu'il a quand même bien fait de monter dans la nacelle de ce ballon, Léon Gambetta, parce que sinon, le moins qu'on puisse dire est que son passage au gouvernement de défense nationale aurait été un peu rapide et invisible. C'est-à-dire que c'est cet acte de bravoure qui, en quelque sorte, lui a permis d'asseoir sa notoriété, sa réputation. Une des caractéristiques de Gambetta, c'est son courage physique. Il le prouvera à plusieurs moments dans sa vie, en montant en ballon, en affrontant des adversaires en duel, en allant voir les électeurs de Belleville longtemps après avoir complètement changé de programme pour les affronter, pour expliquer pourquoi il est devenu ce qu'on appelle alors un opportuniste, c'est-à-dire un républicain modéré. Plus modéré, ou agissant de façon plus légaliste qu'autrefois. Il a ce courage physique. Et puis, il a aussi un charisme extraordinaire, qui fait qu'il a su rendre espoir à un moment donné, et qu'il va ensuite incarner l'idée d'une république légale, d'une république installée, d'une république réformatrice. Quand est-ce qu'il rentre ? Il rentre en 1872, je crois. Une fois que tout est un peu aplani, oui, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et puis il est effaré, parce qu'il faut imaginer ce qu'est la France au lendemain de l'écrasement de la Commune. Non seulement il y a des divisions très fortes, évidemment, entre les monarchistes et les républicains, mais le camp républicain lui-même est complètement divisé, puisque l'aile la plus à gauche, les blanquistes, tous les socialisants, évidemment, se sont plus ou moins impliqués dans la Commune. Certains ont été fusillés, d'autres sont en exil. Les républicains qui ont siégé à Versailles sont catastrophés par les effets de cette guerre civile et se font montrer du doigt par les conservateurs. Gambetta lui-même, on va lui dire, un bonapartiste, Granier de Castagnac, va lui dire: vous êtes l'ami de tous les assassins de la Commune, alors qu'il n'a jamais pris part à la Commune. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet homme, lorsqu'il rentre, par son simple charisme et par les quelques hauts faits dont il peut se targuer, devient en quelque sorte, tout naturellement, le représentant, on va dire, de la gauche, face à la droite qui, elle, est tenue par Mac Mahon. Quelle est son attitude vis-à-vis de Thiers? Thiers qui, quand même, a été le liquidateur de la Commune. Alors, c'est très compliqué, parce qu'on oublie que Thiers, évidemment, Thiers, c'est le liquidateur de la Commune, donc nous avons tendance à le classer à droite comme un conservateur. En fait, il était libéral, à l'origine. Mais en fait, Thiers était libéral, il a incarné une forme de centre-gauche. Alors, bien sûr, lui, il s'accommodait très bien d'une monarchie qui pouvait être censitaire. C'est un défenseur de la propriété, c'est un défenseur de la société bourgeoise. Mais c'est aussi un défenseur des libertés publiques et des libertés parlementaire, ce qu'il appelait les libertés nécessaires. Et donc il y a eu à certains moments un appui, une alliance entre Thiers et Gambetta. Et Maurras d'ailleurs les comparait et disait Gambetta n'était qu'un élève de Thiers, sophiste intelligent et demi-grec rusé. Les deux hommes sont très différents hein, de tempérament. C'est pas du tout la même génération. Thiers était déjà ministre de Louis-Philippe quand Gambetta était enfant. Et puis Gambetta, lui, n'a jamais été monarchiste. C'est un républicain démocrate. Mais bizarrement, il y a parfois des moments d'entente entre ces deux hommes, des relations plus faciles qu'entre Gambetta et certains élus républicains de l'Est, comme Jules Ferry ou Jules Grévy, par exemple. Oui, avec qui il va se battre, littéralement. On est à la naissance de ce qu'on appelle le radicalisme à ce moment-là. Hein. Alors, les radicaux, en fait, au départ, sont les républicains radicaux, pour les différencier d'autres républicains prêts à toutes sortes de transactions. Mais très vite, les radicaux vont se diviser eux-mêmes. Il y aura l'extrême-gauche, hein, les radicaux à la Clémenceau, et puis il y aura ces radicaux dits opportunistes qui sont prêts à avancer doucement pour ne pas heurter l'opinion. Alors nous allons voir précisément comment avance M. Gambetta. Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Léon Gambetta cet après-midi sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, Franck Ferrand reçoit Bruno Fulini qui est écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et auteur d'un livre d'actualité, Histoire amusée des promesses électorales de 1848 à nos jours, à trouver aux éditions Taillandier. Alors, on peut dire maintenant de Gambetta qu'il est au cœur de la vie politique de cette troisième république naissante qui est officiellement une république depuis l'amendement Valland, depuis 1875. Quel rôle joue-t-il ? On va le surnommer le commis voyageur de la République, puisque il va, c'est un orateur né, c'est un tribun, il n'est jamais aussi bien dans son élément que lorsqu'il parle, et donc il fait un véritable tour de France et il va aller parler en faveur de la République en essayant de rassurer. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau chez Gambetta, c'est que pendant longtemps les républicains étaient plutôt des révolutionnaires parisiens qui effrayaient les campagnes. Et Gambetta comprend qu'il faut rassurer les paysans, qu'il faut rassurer les provinces et qu'il faut leur montrer que la République, c'est l'ordre, c'est la prospérité, c'est le progrès. Oui, il faut tranquilliser les gens. Alors, dans votre ouvrage, le dernier, là, l'histoire amusée des promesses électorales de 1848 à nos jours, et je précise que le chapitre consacré à nos jours n'est pas le plus épais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est édité chez Taillandier, vous citez Léon Gambetta, candidat républicain opportuniste aux législatives de 1881. Il faut procéder par partie plutôt que par masse, dit-il. Décomposer les problèmes et chercher successivement les solutions partielles. Résoudre les questions quand et comme elles se présentent au jour le jour. C'est un peu la godine, nous dirions-nous. N'entamer une agitation, une opération, comme on dit si heureusement dans les pays libres, qu'après avoir terminé l'agitation précédente et consolidé la conquête qui en a été le résultat. Bref, une politique pragmatique, c'est ça dont Gambetta se fait le défenseur. Tout à fait, il dit, nous sommes les adversaires des théoriciens de l'absolu et des doctrinaires de toutes les écoles, c'est-à-dire que pour lui, la République, ça doit être une construction. En 1869, opposant à l'Empire, il avait fait un grand programme qui chamboulait tout, le fameux programme de Belleville. En fait, ce programme va être réalisé, mais y compris après la mort de Gambetta. C'est-à-dire que la laïcisation de l'école, puis de l'État, avec la séparation des églises et de l'État, la réforme fiscale, la liberté de la presse, la liberté de réunion, toutes ces grandes libertés, elles vont être réalisées, mais petit à petit, par les grandes lois de la République. Gambetta dit clairement qu'il ne veut plus voir de barricades parce qu'on a vu avec la semaine sanglante comment ça se terminait. Il avait été mis à l'écart par Grévy, par Jules Ferry, c'est ce que vous disiez. On pouvait penser qu'il allait se radicaliser, si je puis dire, lui le radical. En fait, c'est l'inverse qui se passe, en fait. Et il y a un grand discours, le discours de Cherbourg, qui va marquer en quelque sorte ce positionnement modéré. Oui, il y a le discours de Cherbourg et puis il y a le discours de Grenoble aussi qui est important. En fait, Gambetta a aussi une pensée, alors le terme est anachronique, mais il a aussi une pensée sociologique. La République, ça n'est pas seulement les ouvriers et les professions intellectuelles. La République, pour lui, pour les gens de sa génération, c'est aussi cette ébauche de classe moyenne qu'il appelle les couches nouvelles. Et à laquelle il appartient. Voilà, il en est l'incarnation. Fils de petits épiciers de Cahors, en plus d'origine italienne. C'est un enfant d'immigré, Gambetta. Ah oui, bien sûr, oui, on va y venir tout à l'heure. Ses adversaires, d'ailleurs, le surnomment Grand Betta, parce qu'évidemment, ce nom les met en joie. Mais ça ne trouble pas du tout, parce qu'il a... Surtout qu'à l'époque, on prononçait peu les R, donc ça devait être encore plus facile de faire le jeu de mots. Surtout dans le sud-ouest. Mais c'est vrai que Gambetta, un convaincu, mais pas du tout quelqu'un d'intolérant. Il a compris que la République, elle ne s'installerait que si la majorité de la population devenait républicaine, et c'est ce à quoi il s'emploie pendant toutes ces années 1870. Pour cet homme issu donc d'un milieu assez simple, c'est quand même extraordinaire de devenir le président de la Chambre. On n'aurait pas imaginé ça deux générations plus tôt. Certes, c'est un président de la Chambre inattendu, mais inattendu aussi parce que, en tant que leader des Républicains, lorsque Jules Grévy devient président de la République, on aurait pu s'attendre à ce que lui-même soit nommé président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Or, Grévy déteste. Mais véritablement déteste Gambetta. Pour des raisons presque personnelles. Des raisons de tempérament. Oui. Là aussi, une différence de génération. Il y a 30 ans d'écart entre les deux hommes. Il y a eu des propos extrêmement méchants de Grévy sur Gambetta. C'est un homme au-dessous de la moyenne. Il surnage parce qu'il est complètement vide. C'est sans doute une réminiscence du ballon, là. Il trouve qu'il s'exprime mal, ce qui est très injuste. Quand on lit les discours de Gambetta, on voit que c'était un orateur très inspiré. Mais c'est assez flamboyant, pas très construit. Ça, du français, c'est du cheval, disait Grévy. Donc Grévy ne veut à aucun prix d'une personnalité aussi forte que Gambetta à la tête du gouvernement. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. 1881, mais plus tard. Gambetta deviendra président du Conseil. Il devient président du Conseil. On a épuisé quelques options entre-temps. Weddington, retour de Freycinet, quelques personnages quand même plus contrôlables. Et puis finalement, Gambetta s'impose. Et enfin arrive ce qu'on va appeler le grand ministère Gambetta. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit le grand ministère Gambetta? Alors ça, c'est un de ces tours de passe-passe de l'histoire. Gambetta, après avoir été président de la Chambre, au moment où le Parlement revient à Paris... devient chef du gouvernement, on s'attend enfin à avoir ces grandes réformes républicaines, pourquoi pas même une révision des lois constitutionnelles, une république qui se renforce, qui se raffermit. Sauf que ça va être un échec absolu, précisément parce que ce régime parlementaire ne veut pas d'un nouveau César. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Chambre qui gouverne, on est un régime pleinement, uniquement parlementaire, et l'idée d'avoir cet exécutif fort incarné dans une figure charismatique ne plaît pas à la majorité des députés, disons les choses. Gambetta avait rêvé de faire une sorte de gouvernement unifiant toutes les familles républicaines. Or, tous les grands leaders républicains se dérobent. Ils veulent bien le soutenir, mais être ministre sous les ordres du fils de l'épicier italien, faut quand même ça, pas exagérer. Pas possible, voilà. Ça, c'est pas possible. Alors, du coup, il va nommer des proches. Alors, c'est un gouvernement qui est audacieux dans sa structure. Par exemple, c'est la première fois qu'on a un ministère de la culture. Il y aura, sous la Troisième République, un sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, mais qui n'a pas de budget propre, qui est une petite excroissance de l'instruction publique. Bon, lui, il imagine que la culture puisse être un département en soi, avec un budget en soi. Il faudra attendre De Gaulle pour trouver ça. C'est lui qui individualise le ministère de l'Agriculture. Toujours ce souci de rassurer les paysans et de les rattacher à la République. Donc ça, ce sont des grandes réformes quand même. Réformes un peu de communication, disons, de présentation des choses. Disons que c'est des réformes qui, j'aurais eu de l'intérêt si elles s'étaient inscrites dans la durée. Oui, oui. Sauf que, alors bien sûr, le ministère de l'Agriculture va continuer de survivre, ce qui ne sera pas le cas du ministère de la Culture. Mais le grand ministère Gambetta, qui arrive à la fin de l'année 1881, tombe le 26 janvier 1882. Le grand ministère aura duré 73 jours, 2 mois et demi. C'est rien. Oui, bien sûr. Gambetta quitte donc le gouvernement, sans doute plein d'amertume, parce qu'il était arrivé avec de grandes idées, de grands projets. On ne lui a pas laissé le temps de les mener à bien. Et chose encore plus extraordinaire, alors qu'il avait la vie devant lui, cet homme qui était une force de la nature, voilà qu'il meurt dans les mois qui suivent. Il meurt dans l'année qui suit, puisque le certificat de décès est daté du 31 décembre 1882. Il a 44 ans. C'est vraiment un destin brisé. On aurait pu imaginer que, comme d'autres, après un premier échec, il redevienne, dans des circonstances plus favorables, président du Conseil, et que cette fois, il installe vraiment les réformes qu'il porte. Mais non. Parce qu'il va y avoir ce qu'on va appeler le drame des Jardis. Jardis, c'est donc tout près de Versailles, à l'entrée de Versailles. Voilà, c'est quand on vient de Paris. En fait, c'est une maison de campagne, c'est une ancienne maison de vignerons où Gambetta se repose des fatigues de la vie politique avec sa maîtresse, Léonie Léon. Léonie Léon, en fait, l'a remarqué il y a bien longtemps. au cours de ce procès Bodin que vous évoquiez, oui, en 1868. Voilà. Elle tombe amoureuse de cet avocat charismatique. Elle va mettre 4 ans à pouvoir le rencontrer. C'est une vraie fan. Et puis, la rencontre se produit et elle devient sa maîtresse. Alors, pendant longtemps, c'est une liaison cachée. Pourquoi ? Parce que Léonie Léon est l'ancienne maîtresse de Irvois, qui était le chef de la police des résidences impériales. Donc, c'était un peu curieux. Et ça aussi, ça va jeter le soupçon sur Léonie Léon. Surtout que les circonstances de la mort de Gambetta sont très troubles. Il semblerait qu'il se soit disputé avec sa maîtresse. Il y avait des armes disponibles, armes chargées, et elle lui aurait tiré dessus. Alors on dit que c'est un accident. Il était en train de nettoyer son arme et ce serait un accident. Le coup serait parti tout seul. On ne saura jamais de toute façon ce qui s'est passé. On ne saura jamais. Disons que l'année précédente, il avait été un petit peu humilié par un duel au pistolet qui s'était mal passé. Mm-hmm. Donc il profitait de ses séjours au jardin pour s'entraîner au tir. S'entraîner au tir. Et ma foi, alors la thèse officielle, c'est qu'en s'entraînant au tir, puis en nettoyant ses armes, il se serait blessé à la main, ce qui aurait provoqué une infection qui aurait dégénéré. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Léon Gambetta cet après-midi avec votre invité Bruno Fuligny. Il est écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po. Alors Bruno Fuligny, on a de nombreuses questions sur Twitter et Facebook concernant la mort de Léon Gambetta et notamment son cœur. Est-ce que son cœur est bien au Panthéon, on nous demande? Oui, son cœur est au Panthéon alors que son corps est à Nice, parce que ses parents avaient quitté Cahors, avaient fini leur vie à Nice, et donc il a voulu être enterré. Il est enterré au cimetière du château qui domine Nice. En 1909, la municipalité a fait un monument, donc on l'a exhumé, et là tout le monde a été effaré de voir que le corps inhumé était très incomplet. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est un petit peu une revanche pour un anticlérical, il lui est arrivé la même chose qu'au sein de l'Église catholique. Il y a des morceaux de Gambetta un petit peu partout sur le territoire. L'œil qu'il avait perdu dans sa jeunesse est à Cahors, dans un bocal. Il avait été auparavant possédé par un directeur de l'Opéra Comique. Cet œil. Alors il avait une dizaine d'années, il a visité un atelier de coutellerie et c'est vraiment l'accident stupide, un petit morceau d'acier qui est parti et qui a tué son œil, ce qui fait qu'on le voit généralement photographié de profil ou de trois quarts, voilà, pour masquer le côté droit de son visage, puisqu'il a perdu cet œil. Simplement, cet œil mort a été enlevé par un habile chirurgien, remplacé par un œil de verre, et il a été conservé. Donc l'œil est à Cahors. Et puis lorsqu'il y a une visite très intéressante, ça, il faut pas manquer d'aller voir l'œil crevé de Gambetta. En revanche, si vous êtes à Paris, vous pouvez aller d'une part rue des Saints-Pères, à la faculté de médecine, où l'on conserve son cerveau. Mmh. Et si vous marchez un petit peu plus loin au Panthéon, il y a effectivement son cœur qui a été transféré là-bas en 1920. C'était le cinquantenaire de la proclamation de la République. Ça fait vraiment penser à aux habitudes qui étaient celles de l'ancienne monarchie. Tout à fait, tout on envoyait les viscères à un endroit, exactement, le cœur à un autre. Pourquoi pas le cerveau encore dans un troisième endroit? Là, on imagine l'exposition qu'on ferait en réunissant tout ça. Vous imaginez, on appellerait ça Gambetta reconstitué, ce serait formidable. Et alors, il manquerait, figurez-vous, Franck, deux éléments, puisque la tête a disparu. On a le cerveau, mais on n'a pas la tête. C'est embêtant. Et puis, lors de l'autopsie, hein, puisqu'il y a une autopsie au lendemain de cette mort si mystérieuse de 1882, le docteur Lannelong prélève le bras droit. Il a le projet de l'exposer dans un musée, dans sa localité. Et ce musée ayant fermé, on ne sait pas ce qu'est devenu le bras droit. Donc, nous pouvons peut-être lancer un appel. Ainsi, donc, quelqu'un nous manque la tête, le bras droit. Mimifié. On a retrouvé l'œil, ça, oui. C'est déjà ça. Oui. On a le cœur. Voilà. Alouette, alouette. Voilà. Et quant au cœur, je confirme qu'il est au Panthéon et même qu'il y a été introduit en grande cérémonie dans une châsse de bronze vitrée. Donc, véritablement, là, on est dans le culte des reliques dans sa version républicaine et laïque. Merci de tous ces incroyables détails, Bruno Fuligny. Je rappelle que votre histoire amusée des promesses électorales, de 1848 à nos jours, évidemment, est publié chez Talendier. Voilà, merci beaucoup Anissa. Nous nous retrouvons demain dimanche pour une autre rediffusion. Oui, une rediffusion consacrée à la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille. Et voici Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas. Bonjour cher Franck. Aujourd'hui, je reçois Daniel Pénac pour son nouveau livre et nous visiterons la bibliothèque de Pierre Arditi. À tout de suite. Merci beaucoup Nicolas. Nous nous retrouvons dans un instant. Et merci à vous Franck Ferrand. À demain pour Au cœur de l'histoire. Europe 1, il est 15h.